hour. Te mani neta, tu me donnes le métal. Si on se fait péter, tu gardes les pesetas. On se revoit intégral, c'est pas bon ça.